À 17h sur France Culture, vous avez rendez-vous avec LSD, la case documentaire de notre chaîne. Mais tout de suite, c'est la méthode scientifique et c'est avec vous, Nicolas Martin. Bonjour. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de parler du vivant. Sommes-nous libres des décisions que nous prenons? Qu'est-ce qui conduit nos choix? Le libre arbitre peut-il se traduire au niveau neurologique? Bref, qu'est-ce qui préside à nos prises de décisions? Une question qui occupe les philosophes depuis les origines de nos civilisations et à laquelle les neurobiologistes ont commencé à apporter des réponses complémentaires depuis le milieu du XXe siècle. Des expériences réalisées ces dernières années tentent même à prouver que notre cerveau s'active plusieurs secondes avant le début de la prise de décision consciente. Alors sommes-nous vraiment libres de nos choix? De décision, mon cerveau choisit-il à ma place? C'est le problème que nous allons tâcher de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'état de nos connaissances sur ces mécaniques complexes de prise de décision, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en pleine conscience de nos choix Sylvie Granon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure en neurosciences comportementales à l'Université Paris-Sud, responsable de l'équipe neurobiologie de la prise de décision de l'Institut des neurosciences Paris-Saclay. Bonjour Thomas Borot. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche CNRS, responsable de l'équipe physiologie et physiopathologie des fonctions exécutives à l'Institut des maladies neurodégénératives de l'Université de Bordeaux. Vous êtes auteur de ce petit livre « Matière à décision », édité aux éditions Biblis. Vous pouvez nous suivre sur les ondes et comme chaque jour sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Ceci étant dit, on parle donc depuis tout à l'heure de prendre une décision, mais quel sens a pour vous deux, neuroscientifiques, prendre une décision, Sylvie Granon? Ça peut avoir plusieurs sens. Pour moi, ça peut être un choix, faire un choix très très simple, hein, entre choisir par exemple de manger une pomme ou une banane si on a faim. Mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus compliquées qui demandent de la planification sur plusieurs jours, qui demandent des processus attentionnels, qui demandent de gérer ses émotions. Donc ça demande vraiment une intégration. C'est un processus hautement intégratif, hein, qui demande d'intégrer plusieurs processus ou sous-processus. Donc ça peut être extrêmement compliqué, ça peut être aussi extrêmement simple. Et ça veut dire, Thomas Borot, est-ce que je fais la même chose, est-ce que mon cerveau fait la même chose lorsqu'il prend la décision de, par exemple, me faire un café le matin au réveil, de retirer ma main d'une aube trop chaude, ou de répondre à une offre d'emploi intéressante mais moins rémunérée que mon poste actuel? En fait, ce qu'il faut se poser comme question pour répondre à votre interrogation, c'est... au niveau du tissu neuronal, comment ce processus se met en place? Et en fait, quel que soit le niveau d'intégration, effectivement, que ce soit des décisions très simples ou des décisions très complexes, in fine, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une compétition entre plusieurs populations de neurones, et c'est la population de neurones qui va gagner, qui va entraîner la décision. Et donc, ce sont des mécanismes... le mécanisme de base est similaire. Ensuite, c'est la façon dont cette compétition se met en place, les territoires qui vont être impliqués et la quantité d'informations intégrées qui va différencier une concession simple comme est-ce que je mange une banane ou une pomme aujourd'hui ou est-ce que je vais acheter une voiture bleue ou une voiture noire. On a tendance à lire dans la littérature consacrée à la prise de décision une séparation en deux grands groupes. D'une part, la décision délibérative, d'autre part, la décision automatisée. Ça a un sens pour vous, Sylvie Granon? Pas. Ça a un sens quand on est dans une situation, par exemple, routinière, la décision, elle s'automatise très vite. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la possibilité de revenir si une information inattendue se présente, par exemple, et de prendre plus de temps et de changer notre mode d'action. Évidemment, c'est plus compliqué quand on est dans un mode automatique. C'est compliqué d'inhiber un comportement en cours, par exemple, ça fait partie du processus de décision que de devoir empêcher, inhiber et rediriger en quelque sorte. Mais c'est ce que ça revient un peu à ce que disait Thomas sur les populations de neurones impliquées. On va impliquer des territoires cérébraux ou des connectivités différentes quand on est dans un processus automatique, de quand on est dans une situation. C'est pour ça que moi j'aime bien parler des situations sociales, parce que c'est dans ces situations sociales où on peut le moins prévoir l'ensemble de ce qui peut se passer. Et donc, on est dans une sorte de décision, un ensemble de décisions extrêmement ouvertes, où il faut prendre en compte différents types d'informations. Il faut prendre en compte des choses habituelles, des règles aussi, des procédures qu'on a apprises. Mais il faut aussi être capable de réagir assez rapidement et d'intégrer, là encore, des informations à la fois émotionnelles, motivationnelles. Et on va, suite à ces rencontres avec des situations qui peuvent devenir familières, on va aussi apprendre. Et faire passer certaines décisions délibératives en décisions automatiques. Par exemple, ou le contraire. Thomas Moreau. En fait, je pense que j'aime bien voir ça comme un continuum. En fait, la décision délibérative et la décision automatique, pour moi, c'est deux extrêmes d'un continuum dans lesquels il y a un dialogue permanent. Et finalement, un des exemples, je pense, qui parlera le plus aux gens, c'est celui d'un trajet qu'on prend régulièrement et sur lequel, en général, on conduit de façon complètement automatique en pensant à autre chose. Mais il suffit qu'il y ait des travaux ou qu'il y ait quelque chose qui change votre itinéraire. Et là, vous allez être obligé de reprendre un fonctionnement beaucoup plus délibératif, réfléchir à la voie de secours que vous allez pouvoir emprunter. Et ça, c'est typiquement, vous basculez d'un fonctionnement automatique vers un fonctionnement plus délibératif. Et ce genre de choses, vous le faites assez régulièrement, sans vous en rendre compte, à différents degrés, en fait. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un continuum, et deux extrêmes d'un continuum, plus que deux mécanismes, franchement, en opposition. Et ce sont deux mécanismes qui sollicitent des zones extrêmement différentes, ou est-ce que on se situe dans des zones cérébrales géographiques proches ou similaires? Alors, on se situe quelque part dans le cerveau antérieur. Après, on ne va pas tous être d'accord sur où vont se situer les automatismes et où vont se situer les processus délibératifs. Mais donc, ça implique le cortex frontal, donc préfrontal. C'est-à-dire l'avant du cerveau, ce qui est au-dessus des sourcils. Voilà, des sourcils, quoi. Et des structures plus corticales qu'on appelle les ganglions de la base et le thalamus. Voilà, c'est le grand réseau de la décision, plus l'hippocampe aussi qui est impliqué s'il faut intégrer des informations spatiales, par exemple, ou rappel de mémoire. Sylvie Granon, vous confirmez cette neurogéographie de la prise de décision. Ça c'est un état des lieux neurogéographique à peu près partagé par l'ensemble des neuroscientifiques. Ce qui est aussi, ce avec quoi je suis assez d'accord, j'aime bien quand Thomas parle de continuum plutôt que de discrimination, parce que là, c'est clair que on peut se mettre dans un mode automatique, parce que pour le cerveau, c'est plus confortable et c'est souvent plus efficace, plus rapide. On n'a pas, effectivement, quand on va d'un point A à un point B, et si on le fait tous les jours, on n'a pas trop à réfléchir. Et du coup, notre énergie mentale, notre attention, elle est dirigée vers autre chose. Mais on garde toujours la main, entre guillemets, si on peut parler dire ça en parlant du cerveau. Mais on garde toujours la main, parce que les informations inattendues qui vont entrer par nos sens, que ce soit la vision, l'audition, l'olfaction, reprendre la main là-dessus. Si quelque chose de potentiellement dangereux survient, alors on interrompt. Ça veut bien dire que ces systèmes, ils sont en interaction, ils sont pas ségrégés, et puis on n'est pas une fois pour toutes dans l'un ou une fois pour toutes dans l'autre. Autre question par rapport à cette notion de prise de décision. On dit couramment que c'est une fonction vitale pour tout être vivant. Néanmoins, elle est forcément nécessairement liée à un système nerveux central. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'un moustique prend une décision lorsqu'il décide de venir me piquer, de la même façon que un guépard décide de sauter sur une antilope quand il la voit passer dans la savane, Thomas Barreau? Je pense oui, à partir du moment, de toute façon, un moustique a un système nerveux. À partir du moment où effectivement où il y a un système nerveux qui interagit avec une enveloppe corporelle, il y a des décisions qui sont prises. Donc un lombric prend des décisions. Des gens qui travaillent sur la prise de décision chez le lombric. Ce qui présente un avantage, c'est qu'on connaît tous les neurones sont numérotés, donc ils travaillent sur des circuits qui sont simplifiés. Et donc sur lequel ils peuvent avoir une meilleure connaissance par définition que sur les systèmes sur lesquels on travaille, qui sont des mammifères avec des millions et des millions de neurones, donc plus difficile à décortiquer. Sylvie Granon, la différence entre un choix animal et un choix humain, ce serait ce qu'on appelle le libre arbitre. Est-ce que ça a un sens pour la neuroscientifique que vous êtes? Vous m'avez dit que vous avez beaucoup réfléchi à cette question, alors allons-y. C'est même pas réfléchi, ça m'a tenu en éveil, c'est pas la même chose, au sens propre du terme. En fait, moi, je fais pas trop je suis pas trop à penser à une différence homme-animal. Pas plus qu'entre un individu humain et un autre individu humain, d'ailleurs. Donc, il y a autant de différences. Enfin, évidemment, il y a des choses sur le plan anatomique, neuroanatomique, neurochimique, sur le plan de l'histoire, du vécu, etc. Bien sûr, il y a des choses différentes entre différents animaux et les humains. Mais pour moi, en tout cas, c'est le libre arbitre, c'est... une partie de la décision, c'est quelque part, la décision reflète le libre arbitre ou l'inverse. Mais le libre arbitre, je le vois plutôt, moi, comme un élastique. Et en fait, cet élastique, évidemment, il a géométrie variable. Au fur et à mesure que vous enrichissez vos connaissances, cet élastique se détend. Et donc, les décisions qui vont se prendre à l'intérieur de cet élastique vont être potentiellement plus riche. Mais ce qui nous donne le libre arbitre, c'est la connaissance qu'on a, ou les connaissances qu'on a, qui sont issues de notre vécu, c'est la cognition au sens propre du terme, c'est-à-dire tout ce qu'on vit enrichit nos capacités à décider. On décide en fonction de ce qu'on a vécu ou pas. Si vous avez vécu toute votre vie dans une pièce fermée et qu'on vous a donné à manger toujours le choix entre pomme et banane, ben, vous choisissez entre pomme et banane. Vous ne vous posez pas la question de savoir... quoi que ce soit d'autre. Si un jour on met dans votre choix, dans vos options, on vous demande de prendre une décision avec un ananas au milieu, qu'est-ce que vous allez faire de cet ananas? Vous allez en évaluer la valeur, mais comment évaluer la valeur d'une option si on ne la connaît pas? Donc le libre arbitre, il peut par définition que se définir, à mon avis, de ce qu'on connaît. Et ce qui enrichit nos connaissances au cours de notre vie augmente notre libre arbitre. Donc, potentiellement, il est infini. Ça, c'est la perception de Sylvie Granon. Quelle est la vôtre, Thomas Borot? Est-ce que la notion de libre arbitre a un sens lorsqu'on étudie les mécaniques de décision de l'être humain? Comment vous l'appréhenderiez? Alors, il y a plusieurs niveaux à votre de réponse à votre question. Le premier niveau, c'est que personnellement, quand j'essaie d'étudier la décision, j'essaie de m'en affranchir de cette notion de libre-arbitre, justement pour pas être... parce que finalement, d'une certaine façon, c'est un artefact quand on veut étudier les mécanismes de la décision. C'est un paramètre supplémentaire qu'on maîtrise mal, donc qu'on veut éviter. Ensuite, je pense que... Je suis tout à fait d'accord avec Sylvie que de faire la différence absolument entre l'homme et l'animal en utilisant en plus le libre arbitre comme question, je pense que là aussi c'est problématique parce que un des prérequis à la question du libre arbitre, c'est la connaissance de soi, la reconnaissance de soi, de sa propre existence. Et ça, on sait maintenant qu'il y a un certain nombre d'autres espèces qui le partagent avec nous. Donc, a priori, ces espèces devraient être, elles aussi, capables d'exprimer un libre arbitre. Le troisième point, c'est que je pense aussi que c'est une notion très, très surfaite, en fait, finalement, dans nos sociétés occidentales. C'est très occidental, la notion de libre arbitre. Les sociétés asiatiques, finalement, se passent très bien de cette notion-là. Et on est souvent amené... En fait, c'est un peu une fiction qu'on se raconte. On se raconte qu'on prend des décisions. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles, quand on y réfléchit bien, on ne sait pas très bien à quel moment cette décision a été prise et pourquoi on l'a fait. Je relisais récemment, là, c'est vraiment... en fait, j'ai relu en pensant à cette question. Enfin, je le relisais, et puis en réfléchissant un peu à cette question, je suis tombé dessus par hasard. Les mémoires de Pierre Boulle, qui est un écrivain un peu oublié, mais auteur notamment de Du Pont de la Rivière Kouai et de la Planète des Singes. Pas oublié du tout, on en a longuement parlé ici. Il expliquait son engagement pour la France libre. Et en fait, il fait 2 ou 3 pages dessus où finalement il conclut qu'il ne sait pas à quel moment, il est incapable de dire à quel moment il a pris cet engagement. Toujours est-il que c'est l'engagement qu'il a pris et qu'il s'y est tenu à partir. Il sait à partir le moment où il s'y est tenu, mais il ne sait pas à partir de quand cet engagement a été pris. Et c'est une question vachement importante finalement. C'est quelque chose de déterminant pour un individu, ce type d'engagement. Et même là, donc une question de cette importance-là, il n'est pas capable de dire à quel moment il l'a pris. Donc, finalement, la question du libre arbitre là-dedans Mais vous dites, Thomas Borot, c'est intéressant, vous dites que nous avons finalement une vision très européo-centrée de la question de la prise de décision et qu'en fin de compte, notre cerveau réagit aujourd'hui peu ou prou comme réagissait il y a 100 000, 200 000 ans celui des chasseurs-cueilleurs. Ça veut dire que la mécanique de prise de décision ne s'est pas complexifiée depuis Sapiens Sapiens. Notre cerveau n'a pas évolué depuis Sapiens Sapiens. Donc effectivement, notre cerveau a évolué dans un milieu où la question principale était de savoir quel animal je vais chasser ou quelle plante je vais ramasser pour avoir à bouffer pour toute ma tribu. Ça veut dire qu'on hérite encore de ces mécaniques de décisionnaires-là aujourd'hui. Tout à fait, oui. Sylvie Granon. Du coup, dans ce que tu dis, moi, ce qui me fait réagir, c'est, en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est que peut-être que ce qui préside à nos prises de décision, puisque apparemment, des fois, on n'est pas tout à fait pas conscient, en tout cas, on ne l'exprime pas consciemment. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient, mais je suis d'accord. Mais ce sont finalement les émotions qui sont un moteur très important pour lesquels on a a posteriori, alors on a des effets immédiats, physiologiques, comme l'augmentation du rythme cardiaque, etc. Ça influence énormément nos décisions, ça influence énormément nos motivations, ça influence aussi beaucoup la valeur qu'on va accorder aux décisions qu'on a prises et aux options qui s'offrent à nous, etc. Et ça pourrait expliquer que justement, on décode a posteriori. Que ces décisions, on les a prises, mais sans qu'on sache verbaliser pourquoi. Mais en fait, j'irais même peut-être un peu plus loin. Je pense qu'il n'y a pas de décision sans émotion, puisqu'on ne peut pas donner de valeur. La notion de valeur est quelque chose d'intrinsèquement subjectif, donc d'intrinsèquement émotionnel. On va y venir dans un instant, mais c'est intéressant, cette notion de la part importante de l'émotion à la prise de décision, qui plus est dans un pays cartésien comme le nôtre, où au contraire, on nous a enseigné pendant si longtemps qu'il fallait s'extraire de nos émotions pour prendre une décision froide et pour avoir accès à une ration débarrassée de nos passions. C'est Aristote qui était le plus proche de la réalité quand il disait qu'il y avait que l'acte volontaire était le fruit de l'union de deux facultés, la spontanéité du désir d'une part et l'intentionnalité de la connaissance de l'autre. Tout à fait, oui, mais même je rebondirais dessus en disant que finalement Épicure avait raison, il valait mieux suivre ses émotions plutôt que la froide de rationalité. Sylvie Granon ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Essayer de gérer ses émotions, c'est une chose. Mais essayer de penser qu'on peut s'affranchir d'un ressenti, c'est complètement différent. C'est évident qu'on peut faire comme si on n'avait rien ressenti, mais on ne peut pas dire qu'on n'a rien ressenti. C'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher de ressentir quelque chose. Et ce ressenti, il a des répercussions au niveau neurobiologique, il a des répercussions directes au niveau du cortex orbitofrontal, qui en partie, en tout cas en grande partie, contribue à notre capacité à identifier quelle est la valeur qu'on accorde à ce stimulus, à cet élément de l'environnement. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et 16h18, nous parlons donc tout au long de cette émission de la méthode scientifique de la prise de décision. Nous en parlons avec Sylvie Granon et Thomas Borot. À partir de quand, puisque là on a fait un peu un tour de ce que signifiait du sens que pouvait prendre la notion de prise de décision ou de libre arbitre du point de vue des neurosciences, mais à partir de quand les médecins et les biologistes commencent vraiment à s'intéresser au fonctionnement cérébral, Thomas Borot, et à la localisation des aires de la prise de décision? Là aussi, c'est difficile de définir vraiment le moment où ça a commencé, mais il y a quand même des grandes étapes. Alors bon, on a tous en tête la relecture du cas Phineas-Gage par Damasio. Alors, parlons-en, c'est quoi le cas Phineas-Gage? Parce que c'est l'un des premiers exemples en général qui vient et qui dit que la prise de décision se passe devant dans le cortex orbitofrontal. Donc Phineas-Gage était quelqu'un qui travaillait à la construction des lignes de chemin de fer dans l'Ouest américain. Et son rôle était de creuser des trous à l'aide d'une barre à mine pour mettre des bâtons de dynamite pour faire sauter des éléments de terrain. Et il a inséré sa barre à mine dans un trou. Il y avait déjà une dynamite. Il a fait exploser. La barre a traversé son crâne, serait envolée plusieurs mètres derrière. Et il a résisté, enfin il a survécu à cet accident tout en ayant perdu une grande partie de son lobe frontal. En fait, je crois qu'elle est passée, partie sous l'œil droit, c'est ça? C'est ça. Et remontée de l'autre côté. Il y a des photos de lui avec effectivement l'œil gauche fermé parce que c'est à l'envers. Et donc ensuite, sa personnalité a complètement changé. Lui qui était un abstène, ne buvant que du thé, de l'eau, ne jurant jamais, aimable avec tout le monde, est devenu une espèce d'odieux personnage qui insultait tout le monde et qui carburait aux alcools forts. Et donc, c'est à partir de là. Alors, à l'époque, son cas a été très étudié par. Je ne me souviens plus du médecin qui s'est occupé de lui. Et ensuite, au point que son crâne a été conservé dans l'institut médico-légal, et Antonio Damasio et c'était Béchara, je crois, qui était avec lui, ont repris le cas dans les années 90 et ont fait des travaux d'imagerie sur son crâne pour reconstruire les lésions et montrer qu'il avait perdu une partie du lobe orbitofrontal, et ce qui leur a permis de définir que ces zones-là étaient nécessaires. En fait, ce qu'ils ont dit à ce moment-là, ces zones-là sont nécessaires au contrôle de la volonté, ce qui a souvent été traduit par « ici réside le lieu de la volonté ». Donc en fait, il faut toujours être très prudent quand on parle d'imagerie. On montre des parties d'un circuit. Il faut pas être localisationniste, il faut pas faire de la néophrénologie. Tous ces processus sont distribués, nécessitent l'interaction de plusieurs structures, et on peut pas parler de centre d'eux. C'est de parties de réseau qu'il faut évoquer. Dans ce cortex orbitofrontal, comme vous venez de le dire, Thomas Borot, il s'y passe plusieurs choses. C'est pas que l'endroit de la décision. Pour visualiser un peu, que se passe-t-il, à quoi sert-il, dans quel autre type d'action est-il impliqué? C'est une partie, ou c'est un ensemble de parties du cortex qui déjà comporte en lui-même plusieurs sous-parties. Donc ça, c'est important aussi. Parce que le cortex préfrontal, en tant que tel, c'est déjà un tiers du cerveau. Mais c'est un ensemble d'aires qui communiquent entre elles et qui reçoivent des informations et qui envoient des informations avec pratiquement tout le reste du cerveau. Notamment avec des zones qui gèrent les émotions, qui traitent les informations émotionnelles. Donc ça, c'est une partie importante du cortex orbitofrontal. C'est de recevoir des informations émotionnelles. Et ce qu'on sait, c'est que justement, ces informations émotionnelles, elles ont une très forte influence sur les décisions, les choix qu'on va faire, et par l'intermédiaire justement de leur entrée dans le cortex orbitofrontal. C'est l'apport des travaux de Damasio que vous citiez dans les années 90 avec son livre L'erreur de Descartes. On parlait tout à l'heure de l'héritage cartésien, notamment en France. Damasio montre que précisément, on l'évoquait tout à l'heure, Thomas Borot, l'émotion donne du poids aux différents items décisionnels, que toute décision est avant tout finalement une jauge des facteurs émotionnels impliqués aux différents items. Tout à fait. Et facteurs émotionnels qui ne sont pas forcément bien définis d'ailleurs, parce qu'on a tendance à définir nos émotions avec des terminologies assez précises, mais en fait chacune correspond à un cocktail de neurotransmetteurs. Et donc, là aussi, c'est un continuum de choses qui nous permettent de donner des valeurs aux différentes options qui nous sont proposées, des valeurs plutôt positives ou des valeurs plutôt négatives. Par exemple, donnez-nous un exemple concret de valence émotionnelle qu'on peut donner dans une prise de décision un peu joue sèche. Waouh, ouais. je vais me retrancher derrière les définitions de von Neumann, qui a proposé, donc, qui était un économiste, qui proposait de donner une axiomatisation de la prise de choix. Et donc, il a quatre axiomes. Le premier axiome, le plus classique, c'est la transitivité. C'est-à-dire que si vous préférez les bananes aux pommes et les pommes aux raisins, alors vous préférez les bananes aux raisins. Et donc, voilà, ça, c'est un exemple de valence qu'on peut faire, et donc on peut en théorie étudier la prise de décision à partir de ce type de valence. En fait, il se trouve que c'est souvent pris par défaut, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce type d'axiomes ultra rationnels, justement, sont très régulièrement pris en défaut, et c'est ces petits défauts justement qui sont intéressants, parce que ça nous permet d'étudier, de comprendre les mécanismes de la prise de décision derrière. Sylvie Granon, cette théorie de Damasio, ou en tout cas ces travaux, ont été confirmés par de l'imagerie au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte notamment de l'implication de l'amygdale. Oui, on s'est aperçu de l'implication de l'amygdale, enfin on connaissait déjà l'implication de l'amygdale dans le traitement des informations émotionnelles, de l'hypothalamus aussi, et de l'interaction qu'il y a entre les deux, entre l'amygdale et l'hypothalamus. Rappelez que l'amygdale, c'est un centre... Alors, c'est une des structures clés qui va intégrer des informations, en tout cas qui va décoder les informations émotionnelles. C'est-à-dire que n'importe quel stimulus de l'environnement peut générer une émotion. Par exemple, si vous me donnez maintenant quelque chose à manger que j'aime beaucoup mais dont je suis absolument saturée, ça va générer par exemple du dégoût. C'est une émotion primaire, d'ailleurs partagée par tous les mammifères, ce qui fait que on a forcément des choses extrêmement communes dans cette capacité à intégrer les émotions. Parce que ces émotions primaires que tous les mammifères partagent, au moins les mammifères d'ailleurs, pas seulement, vont avoir une implication très forte, une capacité très forte à moduler, voire à contrôler notre codage des stimuli. Donc si maintenant on me donne quelque chose à manger, même si j'aime beaucoup ça a priori, mais si j'en suis complètement saturée et que j'ai une sensation de dégoût, ce que je vais faire, c'est que je vais inconsciemment, mais fortement et durablement associer cet environnement-là avec cette sensation de dégoût. Ce qui fait que si je reviens un jour dans votre studio, ce qui va me revenir en premier, ça peut être vous, le contexte social, mais ça peut être aussi cette sensation de dégoût. Alors ça pourrait être aussi quelque chose de très très agréable, hein, si on me donne quelque chose que j'aime beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les émotions, elles ont cette faculté parce qu'elles sont importantes pour la survie de l'individu. Hein. Si on a cette sensation de dégoût, si ça fait partie des émotions primaires, c'est parce que si je mange quelque chose à m'en dégoûter, c'est que peut-être ça peut me rendre malade. Et donc ça a une forte implication pour la survie. Thomas Moreau. Et ce qui est intéressant, c'est que les processus évolutifs ont recyclé ce type de comportement. Et donc, des réactions très, très primaires, primitives, comme le dégoût alimentaire, sont recyclées et intégrées à des comportements beaucoup plus sociaux, par exemple. Et on va activer les mêmes zones si on induit des dégoûts de type sociaux, comme par exemple le rejet de l'iniquité, qui est partagé par pas mal de primates. Des travaux d'électrophysiologie, d'IRM fonctionnel montrent que c'est exactement les mêmes zones qui sont activées de la même façon pour ce type de réaction viscérale de rejet d'une situation inéquitable. Ce qui est intéressant avec effectivement cette notion de valence émotionnelle dans la prise de décision, elle a été donc proposée par Damasio et elle est aujourd'hui communément acceptée, c'est que on se rend compte qu'elle n'est pas seule, c'est-à-dire que on peut également prendre des décisions totalement rationnelles, c'est-à-dire en diminuant au maximum la part de valence émotionnelle qui est accordée à une prise de choix. Bah, je suis pas tout à fait d'accord parce que une décision, à partir du moment où vous prenez une décision rationnelle, vous comparez deux valences et ces valences-là, en elles-mêmes, elles ont une connotation émotionnelle. Quel que soit, enfin, si vous décidez de choisir entre deux options dont les conséquences sont financières, c'est parce que vous avez un intérêt émotionnel pour l'argent que vous allez les choisir. Pensez à la théorie des perspectives. Par exemple, oui. Vous pouvez nous redire un mot de cette théorie des perspectives qui a valu un prix Nobel d'économie tout de même en 2002 à Daniel Kahneman. Tout à fait, ouais. Alors là, c'est un piège. donc, le principe de la théorie des perspectives, c'est que tout choix est fait à partir d'un point de repère et que ce point de repère, on va évaluer des gains ou des pertes à partir de celui-ci et on va, si possible, lorsque l'on choisit des options, des gains, on va éviter le risque, alors que pour les pertes, on va plutôt choisir des solutions risquées. Donc il y a un déséquilibre entre l'appétence pour le risque, pour les gains. Donc on va choisir des solutions sûres, mais qui permettent de gagner moins. Et par contre, si c'est deux solutions qui proposent des pertes, on va choisir les plus risquées, au risque de perdre plus, mais avec une probabilité plus faible. Et là-dessus se rajoute un problème de distorsion des probabilités. Les sujets ne perçoivent pas les probabilités de façon linéaire, mais ont tendance à sous-estimer les faibles probabilités et surestimer les fortes. C'était remarquablement bien résumé. Ça veut dire, vous partagez, Sylvie Granon, cette idée qu'il n'y a donc finalement aucune prise de décision qui soit strictement cartésienne. Toute décision est nécessairement liée à une forme même minime de valence émotionnelle. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et les expériences qu'on fait et qu'on lit dans la littérature vont dans ce sens-là. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Every loop was put together with love and didn't cost any loot. This EP is a strong FU to every label trying to make dough off any group. We don't give a shit who this may offend. More freedom for us, more dismay for them. None of y'all motherfuckers can dictate my pen. Influence us when we dig grace for gems. Never stopping, never slowing for nobody else. We won't pay attention to petty robots to deal. Never ever listen to what our foes got to tell. Blow cock in hell, go rot as well. Go watch Waka Flocka forget we exist. We don't wanna fucking be right to relay to this. So my independent creators, please raise your fist. MCs, beat makers, and DJs, resist. Showman's gotta understand that, you know, it's their choice first. The little kids, even the kids, kinda tired of the, you know, the BS. Support what you believe in, and hopefully, you know, in the next couple years, we can get back into what we call hip-hop. Matter of Choice de Chill Bump sur France Culture à 16h30, puisque nous parlons donc de la prise de décision, de notre faculté à faire des choix. Nous en parlons avec Sylvie Granon, professeure en neurosciences comportementales à l'Université Paris-Sud, responsable de l'équipe neurobiologie de la prise de décision de l'Institut de neurosciences Paris-Saclay, et avec Thomas Borreau, qui est neurobiologiste, directeur de recherche CNRS, responsable de l'équipe physiologie et physiopathologie des fonctions exécutives à l'Institut des maladies neurodégénératives de l'Université de Bordeaux. En septembre dernier, l'International Brain Laboratory a été lancé. L'International Brain Laboratory, c'est un regroupement d'une vingtaine de groupes de recherche et de laboratoires à travers le monde qui a pour objectif d'établir une théorie comportementale définitive de la prise de décision chez la souris. Or, comment étudie-t-on la prise de décision chez la souris? Eh bien, c'est ce que vous allez nous raconter, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé voir comment procèdent les chercheurs de l'Institut des neurosciences à Paris-Saclay. Oui, je suis allée voir Héloïse Hamelin, qui est actuellement sous votre direction, Sylvie Granon. Alors, dans ses expériences, elle place des souris dans un labyrinthe où sont placées des récompenses sucrées. Le but est d'évaluer les facteurs qui peuvent influer sur la prise de décision, en l'occurrence la surconsommation de sucre, qui alterne le choix des souris au bout d'un certain temps d'exercice. Je travaille chez la souris, donc la tâche majeure que l'on effectue pour la prise de décision, c'est le mouse gambling task. C'est une tâche qui a été développée ici au laboratoire et qui s'inspire directement de la tâche qui est effectuée chez l'homme pour l'étude de la prise de décision, qui a été développée par Beccara et Damasio, l'Iowa gambling task. Donc c'est une tâche qui place l'individu, donc pour moi l'animal, dans une situation de choix complexe et ambiguë, où l'animal ne sait pas ce qui l'attend et où il va le découvrir par essai-erreur et ainsi découvrir les options qui lui sont le plus avantageuses et les options qui sont au contraire désavantageuses pour lui. Alors en pratique, c'est un labyrinthe entre guillemets où l'animal est placé dans un point de départ et face à lui quatre voies différentes. Donc disposé à une distance égale pour pas qu'il soit influencé. Et donc l'animal va avoir un temps limité, donc 2 minutes, pour aller explorer ce qu'il y a au bout des bras. Et ce qu'il y a au bout des bras, c'est des récompenses plus ou moins avantageuses. Donc des récompenses alimentaires. Donc l'animal est motivé en étant légèrement privé précédemment. Et il va avoir des récompenses plus ou moins importantes, sachant que parfois, il va pas trouver une récompense, il va trouver une pénalité, qui va être sous forme de nourriture, mais imbibée de quinine, qui est une substance très amère et que les animaux n'aiment pas du tout, donc ils ne vont pas manger, en fait. Comment on peut mesurer les facteurs de prise de décision? Par exemple, l'animal, il ne sait pas a priori quel bon chemin à prendre. Voilà, l'animal ne sait pas a priori les situations les plus avantageuses et les plus désavantageuses, donc il va explorer son environnement pour le découvrir. Et la prise de décision se juge par différents essais où on va observer l'évolution des choix de l'animal. L'expérience en elle-même se déroule sur 5 jours où la souris va effectuer 20 essais par jour. Alors là, on monte dans le laboratoire où il y a les souris qui sont hébergées. Voilà. Alors, ici, il y a mes souris. Donc, c'est de nouvelles cages qui sont automatisées. Les souris sont munies d'une puce RFID qui va être reconnue par la cage. La cage a 4 coins fermés où la souris peut rentrer juste par un trou. Et en fait, c'est au niveau de ce trou où il y a un capteur. Et au niveau de ces coins, les souris vont pouvoir trouver des biberons, donc où il y a leur boisson. Donc ainsi, on peut voir quand est-ce que la souris va dans un coin. Et on peut aussi voir quand est-ce qu'elle boit ou qu'elle fait alors un nose poke. Mais elle va mettre son nez dans un trou. Donc les accès au biberon peuvent être fermés par des petites portes qu'on peut voir ici. Et ainsi, on peut faire effectuer des tâches à la souris en disant bon, bah, il faut que tu fasses un nose poke et tu pourras avoir accès au biberon. Donc, à la récompense. Donc on les teste comme ça en ouvrant une porte et en la refermant. Voilà, et tout ça est automatisé. Et du coup, ce qu'on aimerait bien faire, c'est développer le gambling, donc la tâche de prise de décision, avec ces dispositifs, et soit un peu plus simple que le labyrinthe. Donc là, il y a combien de souris là, qui sont à l'expérimentation ici ? Alors, il y a 15 souris par cage. Je leur laisse le choix entre soit des biberons d'eau ou d'édulcorants, ou des biberons d'eau ou de sucre, ou d'édulcorants et de sucre. Et je vais pouvoir comme ça voir leur préférence entre si je leur donne de l'édulcorant ou du sucre, qu'est-ce qu'elles préfèrent entre les deux, du sucre ou de l'eau, qu'est-ce qu'elles préfèrent entre les deux, et de l'édulcorant et de l'eau. Voilà. En fait, on regarde leur préférence avant toute consommation. Toutes les souris n'ont que de l'eau. Et on regarde leurs préférences. Et ensuite, je refais la même manip suite à la consommation de sucre ou d'édulcorant. Et ainsi, je vais regarder si le sucre ou les édulcorants vont entraîner une modification de leurs préférences, ce qui pourrait nous donner une idée de pourquoi leur prise de décision est changée dans la tâche de Mouse Gambling Task. Est-ce que c'est de la motivation ou est-ce que c'est leur attrait pour une récompense qui est changée l'hédonisme, en fait, de la récompense qui est changée. Que vous me parliez de consommation chronique de sucre, est-ce que c'est un facteur déterminant dans la prise de décision chez ces souris-là ? Oui, j'ai pu observer pendant mes premières expérimentations que oui, la consommation chronique de sucre, il faut savoir que cette consommation, je l'ai fait sur 4 semaines, donc ce qui est assez long dans la vie d'une souris, à de très faibles doses, c'est 1% de sucre dans l'eau de boisson des souris. Et du coup, j'ai observé que cette consommation influençait la prise de décision et que les performances des animaux en étaient perturbées par rapport à des animaux qui n'ont eu que de l'eau. Et est-ce que vos résultats, on pourrait les transposer chez l'homme ? Est-ce qu'on pourrait se dire, en généralisant, que la consommation de sucre altère nos choix ? C'est un petit peu tôt et je suis un petit peu loin des études chez les hommes, mais à long terme... Oui, il serait très intéressant de se poser la question de l'effet d'une consommation de sucre chez l'homme, et c'est aussi une grosse question de santé publique. Voilà, Céline Lezen qui a voulu mélanger deux émissions dans la même deux émissions dans le même reportage, à la fois la prise de décision et l'influence des sucres sur le métabolisme humain. Mais moi, je vais vous demander votre réaction uniquement à la partie décisionnelle de ce reportage, Thomas Borot. sur le travail, sur ce type de travail, sur la prise de décision chez les souris, qu'est-ce que ça nous apprend sur la variabilité aussi au sein d'une espèce ? Ce qui est intéressant ici, là, c'est donc les deux aspects. Le premier, c'est de montrer justement que aucune valence n'est absolue, et donc en fonction de la satiété de l'animal, ses goûts vont varier. Donc ça va influencer les décisions qu'elle va prendre. Ça, c'est le premier aspect. Effectivement, le deuxième aspect, c'était celui des variabilités interindividuelle, qui même chez des souris, j'imagine que ce sont des souris qui sont tous issus des mêmes lignées, donc qui sont génétiquement très homogènes, et qui, malgré tout, il y a une grande variabilité, ce qui montre bien que la part d'aléatoire qu'il y a dans la prise de décision, d'une part, et puis aussi la part du vécu, parce que le vécu de chaque souris est différente, donc l'influence de leur histoire. Dans ces processus de prise de décision. On pourrait dire, sans relancer le débat de la première partie de l'émission, que même chez des souris d'une même lignée génétique homogène, il y a une forme de libre-arbitre. Oui, en fait, alors après, on peut discuter sur la notion de libre-arbitre, mais oui, c'est ce qui nous avait vraiment intéressé dans les premières expériences qu'on avait faites, c'était de montrer que si on prend, effectivement, si on prend juste 7-8 souris, elles vont avoir l'air de se comporter à peu près toutes pareilles dans cette tâche. Elles découvrent des options, elles font des choix. Et globalement, ces choix sont plutôt au cours du temps, se révèlent plutôt favorables. C'est-à-dire qu'elles vont explorer toutes les options, et quand elles vont découvrir des options qui sont pénalisantes, c'est-à-dire pour lesquelles elles ont une petite probabilité d'obtenir une grosse récompense, mais une forte probabilité d'obtenir de la quinine qu'elles n'aiment pas, elles vont, au fil des jours, éliminer ces choix plus risqués, moins agréables pour elles, et choisir les choix les plus sécurisants. Et donc, au final, obtenir le plus de nourriture possible. C'est ça le principe globalement de la tâche. Mais ce qu'on a observé, c'est que si on fait des expériences sur une cinquantaine d'individus, c'est-à-dire sur des groupes beaucoup plus importants, en fait, on voit que certains individus choisissent assez rapidement des choix favorables, donc sécurisants, en évitant les risques. D'autres vont pas vraiment favoriser les risques, beaucoup, mais ne vont pas éliminer ces risques. Elles vont maintenir une exploration des choix risqués. De temps en temps. De temps en temps. Et il y a un sexe ratio, tu as regardé? Non, ça pour l'instant on n'a pas encore regardé, c'est une prochaine étape. Pour l'instant là on travaille que sur des mâles pour des raisons de techniques, en fait, d'avoir des animaux mâles dans l'animalerie. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir pu montrer que donc il y a une variabilité individuelle et inter-individuelle, que ces animaux diffèrent, alors non pas génétiquement, puisque nous on utilise des souris justement parce que génétiquement on peut contrôler leur génome, on sait qu'elles sont toutes génétiquement homogènes. Donc, génétiquement homogènes, il faut préciser que ce n'est pas génétiquement identique, elles ne sont pas des clones. Ce sont des clones. Elles sont générées pour cette raison-là. Et, mais ce qui n'empêche pas, justement, d'avoir de la variabilité. Donc, si preuve en était encore besoin, génétique ne fait pas tout, on le sait, le vécu des animaux, bien que très très similaire, par rapport à des individus humains qui ont une richesse de la variabilité, de leur variabilité d'environnement, de la naissance jusqu'à la mort et même avant la naissance, chez les souris, les choses sont largement plus homogènes et néanmoins, ces animaux développent des stratégies de prise de décision qui sont radicalement différentes. Et, chose très intéressante, ces stratégies reposent sur des substances neurochimiques, des neurotransmetteurs, qui sont en quantité différente dans différentes structures cérébrales. Ça, c'est ce qui nous a particulièrement intéressés. C'est-à-dire que quand vous étudiez ces différentes sous-populations, vous constatez que le taux de neurotransmetteurs n'est pas le même dans les régions, dans les zones... Notamment dans le cortex orbitofrontal, la sérotonine est à des taux différents chez ces animaux. Et alors, a priori, de façon stable, mais ça reste encore à montrer. Mais quand on regarde ces taux de neurotransmetteurs à distance de la réalisation de la tâche, donc pas directement après la réalisation de la tâche, 4 mois plus tard, on voit qu'il y a des différences entre ces individus. Alors, cause-conséquence, on ne sait pas. C'est pour ça que les travaux d'Héloïse essayent de modifier ces taux de neurotransmetteurs pour voir si, en les modifiant au cours de la vie, on modifie également, on manipule les stratégies de prise de décision. Est-ce qu'on est à même de les influencer, ces stratégies? On entend parler de sérotonine ici. Vous en parlez dans un des chapitres de votre livre Matière à décision, Thomas Borreau. On sait que sur la prise de décision, la dopamine notamment a joué un rôle, et notamment pour aussi répondre à des problématiques liées à l'addiction, au fait de désirer quelque chose plus, de prendre la décision de prendre une substance ou pas. La dopamine, c'est un des neurotransmetteurs qui est le plus étudié, notamment dans son rôle d'attribution de valeur. Enfin, il contribue plus exactement à donner un signal au moment où le choix est fait entre la différence entre ce qui était espéré, le gain espéré, et le gain réellement obtenu. Et en fait, c'est ce signal qu'on arrive à quantifier en mesurant soit l'activité des neurones dopaminergiques, soit la quantité de dopamine libérée dans ces structures cibles. Et ces structures cibles principales sont un petit peu le cortex orbitofrontal, mais surtout le striatum, donc la structure d'entrée des ganglions de la base dont je parlais tout à l'heure. La quantité de dopamine libérée est fonction de la différence donc entre la récompense espérée et la récompense obtenue. Donc si cette différence est nulle, il n'y aura quasiment pas de libération de dopamine. S'il y a une grande différence positive, c'est qu'on obtient beaucoup plus que ce qu'on espérait, il y aura une grande libération de dopamine. Et si on obtient moins que ce qu'on espérait, il y aura pas de libération de dopamine. Alors là, ça se discute. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que il y a, parce qu'il y a un petit niveau basal de dopamine. Est-ce qu'il y a une petite diminution? Là, il y a encore des querelles de spécialistes. Mais il y a ce principe de base, en tous les cas, que c'est là pour quantifier la quantité de récompense, la différence entre la quantité de récompense espérée et la quantité de récompense obtenue. La dopamine joue un rôle très important là-dedans, et ça a été mis en évidence dans les années 90 par Wolfram Schultz. Ça fait partie des grandes étapes aussi dont on parlait tout à l'heure, des travaux sur la prise de décision, en fait. Sur cette importance, Sylvie Granon, des neurotransmetteurs, justement dans la prise de décision et dans la façon que ces neurotransmetteurs peuvent avoir d'influencer nos choix. Quel est votre commentaire? Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'en fait, ces taux de neurotransmetteurs, ils sont pas fixes. Ils sont pas fixes au cours de la vie, ils sont pas fixes au cours de la journée, ils sont pas fixes, évidemment, au cours du temps. Donc, on a des leviers pour agir sur notre activité cérébrale, mais aussi sur ces libérations de neurotransmetteurs, sur la recapture de ces neurotransmetteurs, le recyclage, etc. Donc on a plusieurs leviers à notre disposition, rien que les expériences multiples qu'on vit, rien que les situations sociales. Il n'y a pas que ce qu'on mange. Hein, nous, on agit pour l'instant avec le travail d'Héloïse. On est parti sur une modification, en tout cas pour essayer de jouer sur le système de récompense directement sans jouer avec des drogues. Donc on est parti avec du sucre, hein, c'était un peu le rationnel de cette étude, mais on a joué... L'émission qu'on a consacrée au sucre vous montrerait que ça n'est pas si différent que ça. Mais... Non, c'est pas si différent, mais c'est quand même une substance légale jusqu'à présent. mais y a aussi d'autres façons, hein. Ça peut être aussi le stress, ça peut être le manque de sommeil, ça peut être l'activité physique, enfin, ouais, y a plein de leviers possibles qui vont faire varier les neurotransmetteurs. L'écoute de la musique, par exemple, fait aussi varier le taux de, notamment de dopamine et d'endorphine. Donc, il y a plein de leviers possibles. Donc, voilà. Une autre étude qui a été effectuée au début des années 80, celle de Benjamin Libet, qui a été refaite au début des années 2000, enfin vers 2008 je crois, donne des résultats assez troublants. Celle qui a été refaite, qui a été affinée en 2008, montre à l'IRM une activité cérébrale prévalente de plusieurs secondes, de 7 à 10 secondes avant que le sujet ne prenne une décision. C'est-à-dire qu'on met quelqu'un dans un IRM, on lui demande d'appuyer soit sur un bouton à droite, soit sur un bouton à gauche, et on détecte une activité cérébrale 7 à 10 secondes avant que la personne n'ait pris la décision d'appuyer sur le bouton, et on peut donc du coup anticiper, en plus de savoir s'il va appuyer sur le bouton droit ou sur le bouton gauche. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce type d'expérience, Thomas Borot? On revient sur la question du libre arbitre, qui est un peu le fil rouge de cette émission, oui. Finalement. Ou sur la question des émotions. Mais... Ouais, mais l'émotion d'appuyer sur un bouton rouge, un bouton bleu, c'est pas. Mais en fait, il faut replacer alors notamment avec l'expérience qui a été refaite en 2008, dans le type de modèle qu'on utilise pour les processus de prise de décision. Et on aime bien le modèle un peu prévalent actuellement, c'est celui d'un système par accumulation. C'est-à-dire qu'on considère que les deux populations de neurones, enfin, mais si on a le choix entre deux options, comme deux boutons, on va avoir deux populations de neurones qui vont être en compétition. Mais cette compétition, elle ne va pas se faire d'emblée, elle va se faire par accumulation d'un certain nombre d'éléments. Alors ça peut être des éléments sensoriels, ça peut être des éléments de motivation interne, etc. Et donc la compétition commence bien avant que la décision soit prise, en fait, finalement. Et puis au bout d'un moment, il va y avoir une différence qui va être suffisante entre les deux populations pour qu'il y en ait une qui va s'activer de façon exponentielle et l'autre dont l'activité va diminuer. Et c'est à ce moment-là que la décision se prendra. Donc ça peut être aussi la trace. C'est pas parce qu'on voit une activité précède de 8 secondes la décision, que la décision a été prise 8 secondes avant. Mais le processus a été mis en branle 8 secondes avant, et à ce moment-là, la certitude pour que... plus on va avancer, plus on va avoir une certitude, si on prend l'activité comme... si on se base sur l'activité pour prédire que va être le choix du sujet. Mais au moment zéro, finalement, notre certitude va être de 50%. On sait qu'il va prendre une des deux décisions. Et ensuite, au fur et à mesure, la probabilité de prédire le bon choix va augmenter jusqu'à arriver à une probabilité, à une certitude. Donc en fait, c'est plus le marqueur de ce processus de compétition, cette activité précoce, que le fait que la décision est prise bien avant qu'elle atteigne le niveau de conscience. Alors, par contre, l'expérience de Libet montrait vraiment ça, montrait que la décision était prise quelque chose comme 2 à 300 millisecondes avant que la conscience de la décision soit prise. C'est ça. Et c'est finalement, c'est un problème un petit peu différent qui est celui de la décision consciente, qui est encore... Alors là, il faudrait en rediscuter avec Lionel Nakache, donc, qui est un grand spécialiste du sujet, comme vous le savez. un mot tout de même pour dire, entre ces deux expériences, hein, celle de Libé et celle de 2008, 8 secondes en termes de neurosciences, c'est un temps extrêmement long. C'est une éternité. Oui, c'est une éternité. C'est énorme, oui, effectivement. Il peut se passer beaucoup de choses. Oui, il peut se passer beaucoup de choses pendant ces 8 secondes. Ouais, moi, je suis un peu. Après, c'est un peu le problème de l'IRM fonctionnel, parce que vous avez besoin pour l'IRM fonctionnel de grands délais pour voir quelque chose. Parce que en fait, faut peut-être rappeler aux auditeurs que ce qu'on voit en IRM fonctionnel, c'est ce qu'ils appellent le signal BOLD et le reflet d'une activité, enfin de la circulation sanguine, qui est lui-même le reflet d'activité métabolique. Lui-même le reflet de l'activité électrique du cerveau, donc c'est l'activité électrique qui transmet l'information. Et la dynamique de ce signal-là est beaucoup plus lente que la dynamique de l'activité électrique. Donc il y a aussi ce problème d'inertie dans cette activité qui est. Qui serait lié à l'appareil de mesure. Ouais. Aujourd'hui, Sylvie Granon, c'est 200-300 millisecondes entre le moment de la prise de décision et le moment de la conscientisation de la prise de décision. Elles sont communément admises. Je pense qu'elles sont communément admises. Moi, ça me choque pas vraiment. Après, je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, c'est pour ça que je te parlais d'émotion, parce que même le traitement émotionnel des informations, et émotionnel, ça veut pas forcément dire qu'on est joyeux ou triste, hein, donc on est d'accord. Donc, le traitement émotionnel des informations va toujours être un peu plus rapide. La physiologie est un peu plus rapide que pour accéder à l'aspect conscient du choix. Donc, et c'est pour ça que, effectivement, au laboratoire, on réduit souvent les tâches, parce que c'est vrai, comme tu disais au début, étudier quelque chose, des décisions dans un contexte pseudo-réel, ce que nous on fait avec dans nos comportements sociaux, mais avec tous les biais compliqués qu'on a à maîtriser. Mais quand on réduit l'expérimentation à un choix, si je dis rouge, appuyez à gauche, et si je dis bleu, appuyez à droite, on voit bien que ce qui se passe dans la vraie vie, de nos décisions au sens large, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Donc ces petits décalages de quelques centaines de millisecondes, quelles sont leurs pertinences dans la vraie vie, j'en sais rien. Thomas Moreau. Oui, non, je suis assez d'accord. Et on touche finalement le problème qu'on a, nous, neurobiologistes, qui est pour pouvoir étudier la question avec les outils qui nous intéressent, enfin, et à notre disposition, on a besoin d'opérationnaliser la question avec des paradigmes qui sont très simplifiés. Et donc, il faut toujours se méfier, effectivement, quand on fait la transposition à des comportements complexes, comme tous les comportements sociaux qu'on peut avoir. Il faut garder ça en mémoire, ce qu'on ne fait pas toujours. On est parfois un petit peu... Oui, c'est pour ça que essayer de transposer ça en disant ça montre que la décision vient avant la conscience, peut-être. 200-300 millisecondes. Une autre étude intéressante, hein, c'est d'ailleurs celle qui nous a donné envie de faire cette émission, qui date du 14 décembre dernier, qui a été publiée dans Nature, a montré que la difficulté qu'il y avait, en revanche, dans le cas d'une prise de décision, et de quand il y a une volonté d'arrêter, de changer une action pendant son cours, et que là, pour le coup, on se rend compte que notre plasticité cérébrale n'est pas si grande que celle qu'on peut imaginer, Sylvie Granon. Alors ça, oui, c'est une autre facette de la décision. C'est justement un peu ce dont on parlait au début sur l'aspect d'automatisation de tâches. Quand on est engagé dans quelque chose, s'arrêter ou s'empêcher d'agir, c'est aussi décider. Mais c'est c'est pas plus compliqué, mais c'est un autre processus qui vient là-dessus. Donc oui, ça c'est encore j'allais dire le revers de la médaille de l'automatisation. C'est-à-dire que l'automatisation nous donne l'avantage de la rapidité, de la libération des aspects attentionnels, etc. Donc on peut faire autre chose, penser autre chose. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on est moins plastique. Et pour reprendre la main sur la plasticité, il faut là un aspect plus conscient, un peu de recul. Thomas Moreau. Oui, alors moi, pour apporter un autre éclairage, j'aime bien, c'est un peu mon dada, penser tous ces processus-là en termes de dynamique. Donc, de ce qui m'intéresse finalement, c'est de transposer ça dans la physique d'une certaine façon. Et donc, effectivement, quand vous prenez une décision, vous avez une compétition entre deux populations, et que quand la décision est prise, il y a une population qui est très activée et l'autre qui est très inhibée, pour faire basculer le système éteindre celle qui était activée et redonner de l'activité à celle qui était éteinte, il faut des processus dynamiques forts, en fait. Il faut changer un équilibre, et c'est quelque chose qui est assez complexe, qui demande énormément d'énergie, si vous réfléchissez en termes de... De neurotransmetteurs, de physiologie. Effectivement. ce qui explique pourquoi c'est difficile aussi, puisqu'on est déjà engagé, on a ce processus qui est en place, et il va falloir le contrer, et donc mettre énormément d'énergie dans le système pour pouvoir le faire basculer dans un autre état. Est-ce qu'en extrapolant un peu, ça pourrait être un début d'explication à la raison pour laquelle on a du mal à changer des habitudes, pour laquelle on est des êtres finalement assez routiniers, confortables justement dans une certaine forme d'automatisation des tâches. Ça, c'est plus lié effectivement au problème d'automatisme. À partir du moment où on a automatisé, donc c'est des processus qui sont donc en fait c'est des interactions locales qui se font et qui sont rapides effectivement. Alors là, en fait, où on n'est pas tous d'accord, c'est où est-ce que cette automatisation se passe, à quel niveau du circuit ça se passe. Mais toujours est-il que pour pouvoir contrebalancer ces automatismes qui se sont mis en place, il va falloir effectivement, encore une fois, énormément d'efforts en provenance d'autres systèmes, des systèmes qui eux sont impliqués dans les processus délibératifs. Et donc il va falloir répéter, ça va jamais marcher du premier coup, et puis parfois le niveau d'automatisation atteint est tel qu'on peut jamais rebasculer dans un fonctionnement plus délibératif. Ça, et alors c'est probablement les processus qui sont impliqués dans tout ce qui est addiction, dépendance, etc. Oui, mais là, on est déjà dans des processus pathologiques, justement. Oui. Donc, moi, j'aime bien penser que on peut toujours revenir en arrière, que le striatum dorsal... Vous voyez que c'est pas moi qui ramène au libre arbitre. Oui. Non, je pense que le striatum dorsal, qui est vraiment très impliqué dans les automatismes, en tout cas, n'est pas inéluctablement appliqué. C'est-à-dire qu'on peut revenir... Alors après, je suis d'accord que certains processus s'automatisent très très facilement, donc comme par exemple les routines en voiture, Thomas en parlait tout à l'heure, ça c'est les routines de circulation, que ce soit à pied ou en voiture d'ailleurs, tout ce qui est navigation spatiale, on a vraiment tendance à automatiser. Je pense qu'on est fait pour ça en fait. Oui, je pense qu'on est fait pour ça parce que à mon avis pour plein de raisons, ça diminue les émotions là encore. C'est-à-dire qu'on va vers des choses connues. Plus on est en territoire connu, moins c'est risqué. C'est des comportements qui favorisent la survie. Hein. C'est si on se replace encore l'humain comme l'animal qu'on est. Hein. Si on change de route, on risque de tomber sur un obstacle qu'on n'a pas connu ou sur un danger. C'est là que ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure. On est encore des chasseurs-cueilleurs. Ou un prédateur. Voilà. Un dernier mot peut-être pour conclure également sur ce que ces études aujourd'hui sur la prise de décision nous apprennent sur un certain nombre de pathologies. Vous évoquez par exemple les troubles obsessionnels compulsifs, Thomas Borow, dans votre livre. Donc ce sont des pathologies de la prise de décision. Alors la question de savoir pourquoi, comment elles se mettent en place, on en a un petit peu parlé aujourd'hui. Dans le cas des troubles obsessionnels compulsifs, c'est probablement effectivement des automatisations excessives qui se mettent en place, on n'arrive pas à contrebalancer avec des processus plus délibératifs. Il y a d'autres pathologies qui sont liées à la prise de décision. Et une auxquelles on pense assez peu, moi que j'aime bien parce que c'est le domaine dont je viens, qui est la maladie de Parkinson. Oui. On a tendance à voir ça comme une maladie, une pathologie du mouvement, mais c'est aussi une pathologie de la prise de décision dans le sens où ce sont des patients qui ont du mal à prendre la décision de bouger et qui souvent ont même dans des stades avancés, une difficulté à prendre des décisions tout court, en fait, et un appauvrissement de la capacité à générer des décisions. Et c'est quelque chose qui fait partie de la pathologie dont on avait assez peu conscience jusqu'à présent, et on commence à prendre conscience de ces aspects cognitifs de la maladie. C'est quelque chose qui fait partie des sujets qui doivent être abordés de nos jours. Eh bien, ce sera l'occasion d'une autre émission. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci Sylvie Granon, merci Thomas Borow. Je rappelle Matière à décision, votre livre en poche, c'est édition Biblis en grand format, c'est au CNRS édition. Vous pouvez choisir de réécouter cette émission volontairement ou involontairement, plutôt volontairement d'ailleurs, en vous connectant sur notre fil Twitter @lamethodefc ou sur le site de France Culture, franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Noémie Naguette-Saint-Vulf, Francine Lozen, Eve Etienne, Sarah Igemans, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Alex Dang à la technique. Et la suite de vos aventures sur France Culture, nouvelle semaine de LSD, la série documentaire Lascaux 4, un arc Asimov est déjà enterré, tout juste un an après l'ouverture de cette réplique de la grotte de Lascaux. C'est une série documentaire signée Perrine Cavran et Diffy Mariani. Puis tout à l'heure, après le journal de 18h, dans Le Grain à Moudre, 2018, année du Big Bang bioéthique, c'est la question qu'Hervé Gardette posera à ses invités. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous partirons dans le Grand Nord pour constater que la banquise a atteint son plus petit maximum de surface en 2017. Quelles conséquences, que faire? Faut-il recongeler la banquise? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.